الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Aujourd'hui le jeudi 7 Shawwal de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 27 avril 2023, nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble cette série sur les mérites des compagnons, dont aujourd'hui, inshallah ta'ala, sera le dernier cours qui concerne les compagnons, les hommes, je veux dire les hommes. On n'a pas vu tous les compagnons, bien évidemment. Lakin, on a vu ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de voir, et on n'a pas vu non plus tout leur mérite. Lakin, ça c'est un cours qui s'adresse à des gens qui débutent dans la religion et qui veulent avoir un minimum des mérites des compagnons radiyallahu anhum. C'est pour ça qu'il ne convient pas à un musulman d'ignorer ne serait-ce que les noms des 10 compagnons annoncés au paradis. Ça c'est quelque chose qui n'est pas toléré, que le musulman ignore ne serait-ce que cette dizaine d'hommes qui sont les premiers dans l'islam et les meilleurs dans cette religion après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite on va commencer par les sahabiyat, qu'Allah les agrée toutes. Donc aujourd'hui on commence par un très grand compagnon parmi les plus grands savants des compagnons radiyallahu anhum, et parmi leurs plus grands savants, qui est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il était un homme extrêmement intelligent et extrêmement habile et clairvoyant. Abdullah ibn Mas'ud al-Hudhali, il est de la tribu de Hudhayl, le Mekwa, qui a fait l'émigration avec Nabi alayhi salatu wassalam, et comme j'ai dit, faisait partie des savants doués d'une très très grande intelligence. Il est connu aussi par Ibn Ummi Abd, car Ummu Abd c'était sa mère, qui était une sahabiya également. Et son surnom c'est Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud. Le Nabi alayhi salam l'a surnommé Abu Abdurrahman avant d'avoir un enfant. Et physiquement, il était très petit de taille. Il était extrêmement fin. Il avait une finesse dans ses jambes, une minceur, et il a rapporté, et sa couleur de peau, il était mat, très foncé. Il a rapporté énormément de science de Nabi alayhi salatu wassalam, et sa science qu'il a propagée dans la Ummah a été préservée beaucoup plus que d'autres compagnons radiyallahu anhum. Et on va voir le secret en cela. Pourquoi ça a été préservé? Et de toute façon, ils disent, il n'y a pas un sahabi qui a eu des élèves comme les élèves de Abdullah ibn Mas'ud. Il n'y a pas un sahabi qui a eu des élèves comme les élèves de Abdullah ibn Mas'ud. Et ces élèves sont tous des très grands savants parmi les tabi'in. Et de lui, yani, commençons par ce hadith dans lequel le Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam, un hadith qu'on a déjà vu. Il a dit اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. Il a, le Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam nous a dit prenez comme modèle ceux qui sont après moi, Abu Bakr et Umar. واهتدوا بهدي عمار. Et suivez la guidée de Ammar. وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. Et attachez-vous aux recommandations d'Ibn Umm Abd, qui est Abdullah ibn Mas'ud. Ça, c'est parmi les choses qui ont fait que ces paroles ont été mémorisées et retenues et propagées dans la Ummah. C'est pour ça qu'on connaît énormément de ces recommandations et de ces sagesses. Et de ces sagesses. Abdullah ibn Mas'ud, il est le premier à avoir récité le Coran à haute voix à Mecca, après le prophète alayhi salatu wassalam. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, quand ils ont fait le hijra à Médine, il a fait le mu'akhat entre lui et Zubayr ibn al-Awwam. Zubayr ibn al-Awwam, un des 10 annoncés au paradis, le fils de la tante paternelle du prophète alayhi salatu wassalam, le fils de Safiya, Ammat Nabi alayhi salatu wassalam. Au sujet de Zubayr, Nabi alayhi salatu wassalam a dit annonce le feu de l'enfer à celui qui tuera Zubayr ibn al-Awwam. Donc c'était le frère de Ibn Mas'ud dans cette période dans laquelle il y avait cette liaison, cette relation de la fraternité que le Nabi alayhi salam a mis en place. Et comme vous savez, après, c'était une fraternité dans laquelle ils héritaient l'un de l'autre. Il y avait beaucoup de choses yani, qui étaient dépendantes de cette relation. Mais après, ça a été abrogé par l'instauration de la loi de l'héritage que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée. Et c'est resté la fraternité dans la religion. Parmi ces paroles, Abdullah ibn Mas'ud, si on veut s'arrêter uniquement sur ses sagesses et ses citations, il nous faut plusieurs cours. Car comme j'ai dit, c'est le compagnon duquel ont été rapportées le plus de citations et de paroles. Radiyallahu anhu arda. Parmi ces paroles très connues, il dit « Il n'y a pas une chose qui a besoin d'être plus emprisonnée que la langue. » S'il y a quelque chose que tu dois emprisonner le plus, c'est ta langue. Et de ne pas lui permettre de parler, de se prononcer, sauf quand c'est un bien. Et tu as la certitude que ce que tu vas dire plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, il a beaucoup de paroles aussi dans Zuhd et dans le renoncement au bien éphémère de ce bas monde. Et c'était un très grand ascète. Il dit, ma qalla wa kafa khayrun mimma kathura wa alha. Le peu qui te suffit est meilleur de beaucoup qui te distrait. Avoir peu, mais suffisant. Car si tu n'as pas sa suffisance, tu peux tomber dans des choses qui sont mauvaises, comme demander de l'aide. C'est pour ça, c'est une ni'ma pour le serviteur d'avoir sa suffisance. Mais ce peu suffisant, il est bien meilleur que d'avoir beaucoup de richesses qui vont forcément te distraire de l'objectif pour lequel tu as été créé. Il dit ma minkum illa dayfun wa maluhu ariya. Il dit ma minkum illa dayfun wa maluhu ariya. فالضيف مرتحل والعارية مؤداة إلى أهلها. الله أكبر. Il dit chacun d'entre vous, il est comme un invité, et ses biens sont comme une chose qui a été prêtée. L'invité bientôt, il quittera, il partira, et le prêt doit être rendu. Tous, on est comme ça. On est comme quelqu'un qui est invité par une personne, al-dayf, qui est venu visiter une personne. Le visiteur, c'est un visiteur, quelle que soit la durée qu'il va passer chez toi. Même s'il reste une année, deux ans, il finit par quitter et par partir. Car c'est un visiteur. Et il retourne chez lui. Il finit par retourner chez lui. Également, les biens que tu as en ta possession aujourd'hui, c'est un prêt. Et tu seras interrogé au sujet de ta gestion de ces biens. Et ces biens, tu vas devoir les rendre également. Tu ne vas pas les emmener avec toi à l'akhir. Il dit aussi, on va se limiter à cette dernière citation de Abdullah ibn Mas'ud. Il dit man arada al-akhira adarra bid-dunya wa man arada ad-dunya adarra bil-akhira. Ya qawmi fa adirru bil-fani lil-baqi. Allahu akbar. Il dit celui, il y a une autre riwaya dans laquelle il dit man ahabba dunyahu adarra bi-akhirati. Celui qui aime l'au-delà, un amour, un vrai amour, un amour sincère, celui qui aime l'au-delà, forcément cela va nuire à son bas-monde. Et celui qui aime le bas-monde, forcément cela va nuire à son au-delà. Et il nous recommande, s'il faut nuire à une des demeures, de nuire à celle qui est éphémère et non pas à celle qui est éternelle. Celui qui aime l'akhira, forcément il doit délaisser plusieurs choses dans lesquelles il y a des facilités, mais aussi une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui aime dunya pour l'avoir, forcément tu vas tomber dans des péchés d'une manière générale. C'est pour ça, si tu dois préférer une des deux, préfère ce qui est éternel à ce qui est éphémère. Abdullah ibn Mas'ud, par rapport à son islam, radiyallahu anhu, il travaillait pour quelqu'un comme berger sur un troupeau de moutons. Et un jour, Nabi al-Sallam, avec Abu Bakr Siddiq radiallahu anhuma, sont passés devant lui et lui ont dit « Donne-nous une brebis afin de prendre du lait, pour boire du lait, yani on a soif. » Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu leur a dit, je ne peux pas, car je travaille pour quelqu'un, et ça c'est une amana. Le Nabi alayhi salam lui a dit, donne-nous une brebis dans laquelle il n'y a pas de lait, et qui n'a pas eu de « Donne-nous une brebis dans laquelle il n'y a pas de lait. » Yani, elle n'allait pas. Elle n'a pas de petit qu'elle allait. Donc, forcément, une brebis comme ça, il ne va pas y avoir du lait en elle. Et il leur a ramené une brebis, et Nabi Sallam a fait dua, il a demandé à Abu Bakr radiallahu anhu de la traire. Et ça a sorti du lait, jusqu'à ce qu'ils ont rempli un récipient. Abu Bakr radiallahu anhu, Nabi Sallam a bu, Abu Bakr radiallahu anhu a bu, ils ont donné à Abdullah ibn Mas'ud à boire également. Et quand il a vu ça, il a demandé au prophète de lui enseigner les paroles qu'il a dit et de lui enseigner de ce qu'on lui a enseigné. Le Nabi l'a rassuré, il lui a dit « Tu seras quelqu'un de bien enseigné. » Yani, je vais t'enseigner. Et ils disent que c'était la cause de son islam et que ça, c'était au tout début de l'islam. C'est pour ça qu'il dit qu'il était le sixième dans l'islam. Il était le sixième dans l'islam. Radiallahu anhu. En tout cas, il fait partie des premiers dans l'islam. Abdullah ibn Mas'ud, Abu Abdirrahman, radiallahu anhu, arda. Et dans une autre histoire, Abdullah ibn Mas'ud est venu dans le cadre d'un commerce à Mecca avec des gens de sa tribu, Hudayl. Et ils leur ont indiqué Al-Abbas, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand ils sont partis le chercher, ils l'ont trouvé à côté de Al-Kaaba, assis à côté de Zamzam. Et pendant qu'ils étaient assis avec Al-Abbas, ils ont vu un homme qui arrivait, portant deux tissus blancs, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, il a dit un homme dont le visage est comme la pleine lune. Yani dans la beauté et dans la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, on a vu à sa droite, et j'ai vu à sa droite un jeune homme qui avait un beau visage, et derrière eux une femme qui couvrait sa beauté. Et ils sont venus tous les trois. L'homme en premier, il a touché le Hajar al-Aswad, et ensuite l'enfant, et ensuite la femme, et ils ont fait tawaf autour de l'Kaaba. Ils ont fait 7 tours autour de l'Kaaba. Et ensuite ils ont fait salat, dans laquelle ils se sont inclinés et ils se sont prosternés. Et quand ce phénomène a attiré leur attention, l'Abbas leur a dit, celui-là c'est Muhammad, fils de Abdullah. Et cet enfant c'est Ali ibn Abi Talib. Et cette femme c'est Khadija, l'épouse du prophète, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit, et je ne connais personne qui adore Allah avec la même religion que ces trois. Qais ibn Marwan dit qu'il est venu voir Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Qais ibn Marwan, quand je dis pas radiallahu anhu, c'est un tabi'i, rahimahullah. Il est venu voir Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Il lui a dit, ô guide des croyants, je suis venu de l'Koufa. Et dans la ville de l'Koufa, j'ai laissé un homme qui réciter le Coran de sa mémorisation. Il récitait aux gens et les gens, ils écrivaient. Et ainsi, ils écrivaient le Coran de la mémorisation de cet homme. Omar radiallahu anhu s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. C'est qui cet homme qui se permet de réciter le Coran, même si tu connais le Coran par cœur, mais là, c'est quelque chose de très important. Il s'agit de gens qui vont noter le Coran et écrire le Coran de ta mémorisation. Si jamais tu fais une erreur, ils vont rapporter ça dans leur masahif. Et ça, c'est quelque chose de très grave. C'est pour ça Omar radiallahu anhu s'est mis en colère. Il a dit malheur à lui, c'est qui cet homme? Qais a dit c'est Abdullah ibn Mas'ud. Et quand il a entendu son nom, il s'est calmé et sa colère est partie petit à petit. Jusqu'à ce qu'il est revenu à son état normal. Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un qui peut faire cela, c'est bien évidemment Abdullah ibn Mas'ud. Et ça, on va le voir petit à petit à travers ses mérites et sa relation avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Omar radiallahu anhu a dit, je ne connais pas un homme encore vivant qui peut faire cela à l'exception de lui, de Abdullah ibn Mas'ud. Et il lui a dit, je vais te raconter une histoire. Un jour, j'étais avec le Nabi alayhi salam et Abu Bakr. Et on a veillé cette nuit, tous les trois, on parlait des affaires des muslimines. Et ensuite, Nabi alayhi salam est sorti. Ils étaient chez Abu Bakr Siddiq, dans la maison de Abu Bakr Siddiq. Tous les trois, ils ont veillé cette nuit en parlant des affaires des muslimines. Et ensuite, Nabi alayhi salam est sorti. Et quand il est passé par la mosquée, il a vu un homme qui faisait la salat. Et il est resté et qui récitait le Coran à haute voix. Le Nabi alayhi salatu wassalam est resté en l'écoutant et en écoutant sa récitation. Et Omar radiallahu anhu dit, et quand on a failli savoir qui était cet homme, le prophète alayhi salam nous a dit, celui qui veut lire le Coran comme il a été révélé. L'expression c'est celui qui veut le lire frais comme il a été révélé. Yani, il n'a pas été altéré, tel qu'il a été révélé, que ce soit dans ses mots, dans ses lettres, dans sa prononciation, dans ses harakat, dans ses voyelles, dans les règles avec lesquelles il est récité, c'est comme ça que le Coran a été révélé. Celui qui veut le lire comme il a été révélé, qu'il le lise conformément à la récitation de Abdullah ibn Mas'ud. Et ensuite, l'homme, quand il a fini sa récitation, il a fini sa salat, il s'est assis, il a commencé à invoquer Allah. Et le Nabi alayhi salam, il écoutait toujours son invocation, il disait, demande, tu seras exaucé. Demande, tu seras exaucé. Omar radiallahu anhu, quand il a entendu ça, cette bonne nouvelle qui concerne Abdullah ibn Mas'ud, et comme je le répète souvent, c'est une sunna d'annoncer la bonne nouvelle à ton frère le plus rapidement possible. C'est pour ça Omar il s'est dit, par Allah, je vais aller demain, à la première heure, lui rapporter cette bonne nouvelle qui le concerne. Et quand il est arrivé, il a trouvé Abu Bakr Siddiq qui était déjà là et qui lui avait cité cette bonne nouvelle le concernant. Abu Musa al-Ash'ari qui est un compagnon. Et parmi les grands compagnons, on a compris que les compagnons, tous sans exception, personne ne peut leur arriver à la cheville. Et personne ne peut les dépasser dans le mérite, quel que soit cet homme. Mais les compagnons entre eux, c'est des degrés. Ils ne sont pas tous sur le même degré. Donc Abu Musa al-Ash'ari, qui est un grand compagnon, radiallahu anhu, il a dit, une assise avec Abdullah ibn Mas'ud est meilleure pour moi que mes adorations pendant une année. Les assises avec les savants, surtout les savants qui ont la clairvoyance, al-basira, et la bonne connaissance de l'manhaj al-salafi, et sa mise en pratique. les savants qui connaissent les ruses de l'Hizbiyin et qui ne se rendent pas chez eux, car ils savent que ces Hizbi, ils ne veulent pas la science des savants salafis. Ils veulent juste piéger les jeunes en leur organisant des conférences dans leur centre. Et les jeunes, ensuite, ils disent que voilà, si Cheikh Intel a fait des cours chez eux, c'est qu'ils sont sur le khair et sur la sunna. C'est pour ça, ces Hizbi, ils invitent jamais les savants qui mettent en garde contre leur tête. Mais ils invitent des chouyours pour parler de dhikr Allah, pour parler des maladies du cœur. Ça ne les dérange pas. Lakin, venir parler de l'manhaj salafi, tu peux être sûr qu'ils ne vont jamais inviter un cheikh qui va parler de ça. Donc une assise avec Abdullah ibn Mas'ud pour Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhuma, est meilleure pour lui qu'une année d'adoration. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: j'ai agréé pour vous ce que a agréé pour vous Ibn Ummi Abd. Il a dit aussi, dans une autre riwaya, j'ai agréé pour ma communauté ce que a agréé pour eux Ibn Ummi Abd. Ça, c'est une attestation et un témoignage immense à l'égard de Abdullah ibn Mas'ud. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a agréé pour sa communauté ce que Abdullah a agréé pour eux. Et vous savez, ça me fait penser à quelque chose qui concerne Abdullah ibn Mas'ud à l'époque de la gouvernance de Uthman ibn Affan pendant le pèlerinage. Pendant le pèlerinage, Uthman radiallahu anhu avait un avis comme quoi celui qui reste à Mecca, il doit compléter sa salat et ne pas faire la salat du voyageur. 4 rak'at. Et c'était l'imam de l'muslimin. C'était l'imam de l'muslimin, il avait cet avis. Alors qu'aujourd'hui, on sait tous, inshallah ta'ala, que Nabi Aïssa salam a fait 2 rak'at et que tous ont fait 2 rak'at pendant le pèlerinage. Pendant tout le pèlerinage, on raccourcit la salat à la façon du voyageur. On fait la salat du voyageur. Uthman radiallahu anhu était le gouverneur. Il avait cet avis. Et cet avis, ce n'est pas un avis yani, qui n'a pas de valeur. L'anna, ça, c'est la base. Quand tu résides 4 jours et plus dans un endroit, tu complètes ta salat. Et tu fais la salat du résident. Ça, c'est la base. Ici, il y a une exception. Il y a une exception par rapport à ce qui a été rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam. Et Abdullah ibn Mas'ud, le grand savant, le grand faqih, que Omar décrivait en disant un récipient qu'Allah a rempli de science, il était présent. Et quand Uthman les a dirigés dans la salat, il a fait avec lui 4 rak'at. Après, ils lui ont dit: pourquoi tu as fait 4 rak'at? Tu sais très bien que c'est 2 rak'at. Il leur a dit sa parole très connue: Al-khilaf shar. La divergence est un mal. La divergence est un mal. La divergence est un mal. Donc, être derrière le gouverneur dans un avis qui te semble faible, mais qui regroupe la umma, est meilleur que de créer les fitan et les troubles et de montrer la divergence avec le savant. Bien évidemment, on ment avec le gouverneur. Bien évidemment, on montre la vie juste. Et on montre la vérité avec les preuves. Lakin, sans fitan. Sans diviser les rangs des muslimines. Ali radiallahu anhu, il rapporte une même histoire qui concerne Abdullah ibn Mas'ud, la même histoire qu'on a vue, que Abu Bakr et Omar et Ali étaient avec eux également dans cette riwaya, car c'est lui qui rapporte. Ils sont passés devant Abdullah ibn Mas'ud pendant qu'il faisait la salat dans la mosquée. et récité. Le Nabi leur a dit, Abdullah ibn Mas'ud récite le Coran comme il a été révélé. Ensuite, Abdullah ibn Mas'ud a fait des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala suite à sa salat. Il a invoqué Allah. Il a dit, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, wa murafaqata nabiyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, fi a'la illiyin, fi jinanika jinanil khuld. Il a dit, Allah, accorde-moi une foi ferme et des bienfaits inépuisables et la compagnie de ton prophète dans le plus haut degré du paradis, dans le paradis de l'éternité. Et le Nabi alayhi sallam, il disait, demande, tu seras exaucé. Il a répété deux fois. Et Ali radiallahu anhu également, il est parti annoncer la bonne nouvelle à Abdullah ibn Mas'ud. Il a trouvé que Abu Bakr était le premier. Il a dit, et il nous devançait dans le bien. Il parlait de Abu Bakr. Ammar ibn Yasir radiallahu anhu a dit, le prophète alayhi salam a dit, celui qui souhaite, celui qui aime réciter le Coran comme il a été révélé, qu'il le lise comme le lit Ibn Ummi Abd. Qurra ibn Iyas a rapporté qu'un jour, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, est monté sur un arbre pour prendre un bâton de siwak pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand il est monté sur le tronc de cet arbre-là, les compagnons ont vu la finesse, la minceur de ses jambes. Ils ont souri. Le Nabi alayhi salam leur a dit, elles sont plus lourdes dans la balance que la montagne de Uhud. Allahu Akbar. Elles sont plus lourdes dans la balance que la montagne de Uhud. Et la montagne de Uhud, comme vous savez, elle fait 7 km par 3. C'est une immense montagne dans la frontière nord de Médine. Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu dit, quand je suis venu chez le prophète alayhi salatu wassalam du Yémen, il est venu musulman avec sa tribu, comme on a déjà vu, il a dit, je suis resté pendant toute une période dans laquelle je pensais que Abdullah ibn Mas'ud et sa mère faisaient partie de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'il y rentrait souvent chez le prophète alayhi salatu wassalam, au point où il a pensé qu'ils font partie de sa famille. Ce hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, un jour le Nabi alayhi salam, quand il a fait khutbat al-Eid, il a incité les femmes à faire la sadaqa. Il a dit, faites la sadaqa, car j'ai vu que la plupart d'entre vous font partie des gens de l'enfer. Ils ont dit, pourquoi au messager d'Allah? À cause de quoi? Il a dit, tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Vous insultez beaucoup et vous êtes ingrate envers l'époux. Yani, comme ils disent, si l'homme, le mari, est bon avec elle toute sa vie, et ça c'est rapporté dans le hadith, si le mari est bon avec son épouse toute sa vie, elle voit de lui une seule erreur, elle lui dit, je n'ai jamais vu du bien de toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de connaître des sœurs qui étaient mariées avec des maris avec plein de défauts. Et d'autres sœurs qui les fréquentait, ne connaissant pas l'état de son mari, quand elles entendaient cette sœur parler de son mari, elles pensaient qu'elle était mariée avec Cheikh Ibn Uthaymin ou Cheikh Al-Albani. Tellement elle disait que du bien de son mari. Et quand j'ai appris cela, ça démontre que c'est une femme yani, qui atteint un degré élevé. Et contrairement à ça, tu peux trouver des sœurs mariées avec des maris pas parfaits. Ça n'existe pas sur Terre. Il y a des défauts, mais il y a des choses qu'il faut supprimer parmi les défauts, chez l'homme comme chez la femme, afin de pouvoir continuer à vivre ensemble. Et après, il y a des défauts sur lesquels il faut fermer les yeux. Et la femme doit faire de son mieux pour plaire à son mari. Et l'homme également. Et pardonner, et fermer les yeux, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça continue la vie. Mais si on s'arrête sur les plus petits des détails, la continuité de la vie du couple devient impossible. Yani, j'ai dit ça parce que c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça, alhamdulillah. C'est pas toutes les femmes qui sont comme ça, mais il faut faire attention à cela. Si Allah t'a accordé un mari, essaye de t'entraider avec lui dans cette religion. Il y en a la vie sur terre, elle est courte. La vie sur terre, elle est courte. Et on n'est pas là pour profiter, pour s'amuser. On est là pour gagner notre place au paradis. Ça, c'est notre objectif premier. Donc on doit, du moment qu'on est d'accord sur cet objectif, et qu'on est d'accord sur le kitab ou le sunnah, normalement, on doit dépasser tous les différends qui puissent y avoir entre nous. Donc ça, c'est parmi les causes de l'enfer pour les femmes. Parmi les causes, c'est l'ingratitude envers l'époux. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, il a incité les femmes à faire sadaqa. Une femme est venue toquer chez la maison du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Zainab. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé qui c'était, ils lui ont dit c'est Zainab. Il a dit quel Zainab? Ils lui ont dit Zainab, l'épouse d'Ibn Mas'ud. Il a dit laissez-la entrer. Elle est entrée chez le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit au prophète d'Allah, aujourd'hui t'as ordonné à ce qu'on fasse la sadaqa. Et j'avais des bijoux que je voulais donner en sadaqa. Mais Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud, m'a dit que c'est meilleur pour moi de les donner, de lui donner à lui et à ses enfants cette sadaqa. Et qu'elle aura plus de valeur. Le Nabi lui a dit, Ibn Mas'ud a dit la vérité. Ton époux et tes enfants sont plus à même d'avoir ta sadaqa. Abu al-Ahwas, il dit, j'étais dans la maison de Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu avec d'autres compagnons. Et ils étudiaient le Coran. Ils étudiaient le Coran. Yani, afwan. Abu al-Ahwas, il dit, on était dans la maison de Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu avec Abdullah ibn Mas'ud et certains de ses compagnons, les compagnons de Abdullah ibn Mas'ud, ses élèves. Et ils étudiaient le Coran. Ils étudiaient le Coran. À un moment, Abdullah ibn Mas'ud s'est levé, il est parti. Et parmi ceux qui étaient présents, parmi les compagnons, Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radiallahu anhu. Il a dit, je ne connais pas un homme parmi les compagnons qui est encore vivant qui a plus de science de ce que Allah a révélé dans le Coran comme celui qui vient de se lever. Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit ça après son départ. Il ne l'a pas dit en sa présence. Car faire des éloges à une personne en sa présence, ça a été interdit par le prophète alayhi salatu wasalam. Abu Moussa, quand il a entendu Abu Mas'ud radiallahu anhu, tous des compagnons, dire ça, il a dit, comme tu as dit ça, alors sache, il a dit aux élèves, afin qu'ils sachent le rang et la valeur de Ibn Mas'ud, de leur enseignant. Il leur a dit, lui, il était toujours présent avec le prophète alayhi salatu wasalam, alors que nous, ça nous arrivait de nous absenter. Et il le laissait toujours rentrer chez lui, et nous, des fois, il ne refusait l'entrée chez lui. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, lui-même, il dit, par Allah, il n'y a pas une sourate dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une riwaya, il n'y a pas un verset dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que je sache où ça a été révélé et au sujet de quoi ça a été révélé. Et si je connaissais quelqu'un qui avait plus de science que moi au sujet du livre d'Allah, que je pouvais atteindre à dos de chameau, j'aurais fait le voyage vers lui. Yani, son grand amour pour la science et son attachement à la science. Et il dit qu'il a appris plus de 70 sourates de la bouche du prophète alayhi salam, directement de lui, en ayant sa main entre les deux mains du prophète alayhi salam. Il a dit, les compagnons du prophète alayhi salam savent que je suis qui a le plus de science du livre d'Allah. Et si je connaissais quelqu'un qui a plus de science que moi, j'aurais fait le voyage vers lui. Et Shaqiq, il était présent dans une assise dans laquelle il y avait plusieurs compagnons dans laquelle Ibn Mas'ud a dit ça, et aucun compagnon n'a dit l'inverse. Ils ont tous approuvé ce qu'il a dit. C'est pour ça Abu Moussa al-Ash'ari, il leur disait, ne me posez jamais de questions tant qu'il y a parmi vous ce grand savant. Il visait Ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, comme il dit Abdurrahman ibn Yazid, ils ont interrogé Hudayf ibn al-Yamar radiallahu anhu. Ils lui ont dit, quel est l'homme qui avait, yani l'homme qui ressemblait le plus au prophète alayhi salatu wassalam dans sa guidée, afin qu'on prenne de lui. Il leur a dit, je ne connais personne qui ressemble autant au prophète alayhi salatu wassalam dans sa guidée et dans toutes ses manières comme Ibn Ummi Abd, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Dans la maladie de sa mort, Uthman radiallahu anhu, qui était le gouverneur, il est mort pendant la gouvernance de Uthman radiallahu anhu. Uthman radiallahu anhu lui a rendu visite. Il est mort en l'an 32 de l'Hégire. Il est enterré dans le Baqir. Il est mort à Médine. Donc dans cette maladie, Uthman radiallahu anhu lui a rendu visite. Il lui a dit, tu souffres de quoi? Il l'a vu malade. Il lui a dit, de mes péchés. Il lui a dit, tu souhaites quoi? Il lui a dit, la miséricorde de mon Seigneur. Radiallahu anhu wa ardah. Ça c'est d'une manière très résumée Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée. Ensuite, on va parler de Ammar ibn Yasir. Le temps va vite. Ammar ibn Yasir, sa kunya, c'est Abu al-Yaqdhan, parmi les premiers dans l'islam et parmi ceux qui ont été châtiés et torturés pour délaisser leur religion. Nabi alayhi salam, il passait devant eux car ils étaient torturés, lui, sa mère et son père, au point où sa mère est morte de ces tortures. Et sa mère, Soumaya radiallahu anha, c'est la première martyre dans l'islam. C'est la première martyre dans l'islam. Ammar ibn Yasir, donc le Nabi sallam, il passait devant eux pendant qu'ils étaient torturés. Il leur disait, Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakum al-jannah. Il leur recommandait la patience et l'endurance, patientez aux familles de Yasir. Yasir, c'est son père. Lui aussi, il était torturé. Il leur disait, votre rendez-vous est le paradis. Ammar ibn Yasir a participé dans la bataille de Badr. Il a assisté à toutes les batailles du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est tombé, il a été tué dans la bataille de Siffin. Il a été tué dans la bataille de Siffin en ayant 90 ans. Et il a participé dans cette bataille en ayant 90 ans. Et cette bataille, elle a eu lieu en l'an 37 de l'Hégire. La bataille de Siffin, c'est une bataille qui a eu lieu entre le camp de Ali ibn Abi Talib et le camp de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et Ammar, radiallahu anhu, il était avec Ali ibn Abi Talib. Il était avec Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, arda. Hani ibn Hani rapporte que Ammar est entré chez Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Il lui a dit, bienvenue au bon. J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire Muli'a Ammarun imanan ila mushashihi. Allahu Akbar. Le Nabi alayhi salam a dit Ammar a été rempli de foi jusqu'à l'os. Comme a dit le Munawi dans l'explication de ce hadith, il a dit la signification, le sens, c'est que la foi s'est mêlée à la chair et aux os et au sang de Ammar, au point où elle est devenue inséparable de son corps. C'est pas possible que la foi elle quitte son corps. C'est à son sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé « Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman » Dans l'histoire connue, quand il a été torturé, il était torturé à un point où il savait plus ce qu'il disait. Et il était torturé par le feu. Il le brûlait avec le feu. Un jour, le Nabi alayhi salam est passé pendant qu'il le torturait avec le feu, il disait... Nabi alayhi salam a fait du'a, il a dit « Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ammar kama kunti ala Ibrahim » ou kama qala alayhi salatu wa salam. Donc c'est à son sujet qu'il a été révélé « Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman » sauf s'il abjure sous la contrainte, alors que leur cœur reste ferme en foi. S'ils abjurent, l'anna, Ammar a été contraint à dire du mal du prophète, alayhi salatu wassalam, et à dire du bien des divinités de Quraysh, de leurs idoles. Il l'a dit. Et Nabi alayhi salam est passé devant lui, il l'a vu en train de pleurer. Il lui a dit quoi ? Il lui a raconté ce qui s'est passé. Il a dit, quand tu l'as dit, tu sentais ton cœur rempli avec la foi. Il a dit, naam. Il a dit, alors s'ils reviennent à te torturer et te demander de dire la même chose, dis-la. Car ça, c'est sous la contrainte et c'est excusé. Illa man ukriha, et c'est à ce sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Man kafara billahi min ba'di imanihi, ceux qui mécroient en Allah après avoir cru en lui, sauf s'ils abjurent sous la contrainte, alors que leur cœur reste ferme en sa foi. Yani en la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ammar radiallahu anhu, physiquement aussi, c'était un homme grand de taille. C'était un homme grand de taille. Et il était mat de peau. Il était, radiallahu anhu, mat de peau. Et il avait les cheveux frisés. Il avait les cheveux frisés. Donc, comme on a vu, il est mort dans la bataille de Siffin. Yani ça, c'est une bataille de fitna. C'est une bataille de fitna. Car les deux camps ne sont pas sortis pour combattre. Ils ne sont pas sortis pour combattre. Mais Allah a décrété autrement. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et la cause de cette bataille, c'est que le clan de Muawiyah, qui était en Syrie, radiallahu anhu, il voulait venger Uthman, radiallahu anhu. Il voulait prendre ceux qui ont tué Uthman parmi le Khawarij et leur appliquer la sentence. Mais Ali, radiallahu anhu, il voyait que c'est plus sage de reporter ça plus tard, jusqu'à stabiliser les affaires intérieures de l'État et de la Ummah, et après venger Uthman. Et la vie juste était la vie de Ali, radiallahu anhu. Pourquoi les savants de Al-Sunnah se sont permis de dire cela? Justement, parmi les preuves, en s'appuyant sur la participation de Ammar aux côtés de Ali. Et on va avoir plusieurs hadiths qui confirment cela. Ammar radiallahu anhu est un homme que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé et a protégé de shaytan. C'est le Nabi alayhi sallam qui nous l'a dit. C'est un homme qu'Allah a protégé de shaytan. Et il parlait très peu. Il gardait le silence souvent. Et le Nabi alayhi sallam, comme on a vu précédemment, il nous a dit « Wahtadu bihadi Ammar ». Suivez la guidée de Ammar. Choisissez la même méthode et la même voie que celle de Ammar, radiallahu anhu. Dans ses mérites, il est rapporté que quand la mort est arrivée à Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, et Hudhayfa, il a vécu que 40 jours après l'assassinat de Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Ils sont venus le voir, ils lui ont dit, voilà, ils ont tué Uthman, qu'est-ce que tu nous recommandes? Ils sont venus voir Hudhayfa radiallahu anhu. Il leur a dit, comme vous m'avez demandé mon avis, alors aidez-moi à m'asseoir. Il s'est assis, il a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wasalam dire, رَأَيْتُ أَبَا الْيَقْضَانِ عَلَى الْفِطْرَةِ أَبُ الْيَقْضَانِ عَلَى الْفِطْرَةِ لَنْ يَدَعَهَا حَتَّى يَمُوتْ أَوْ يُنْسِيَهُ الْهَرَمْ. Allahu Akbar. Il a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, رَأَيْتُ أَبَا الْيَقْضَانِ أَوْ رَأَيْتُ أَبُ الْيَقْضَانَ رَأَيْتُ أَبُ الْيَقْضَانِ عَفْوًا عَلَى الْفِطْرَةِ. Le prophète a dit, j'ai vu que Abu al-Yaqdan, et ça c'est le kunya de Ammar ibn Yasir. J'ai vu Ammar ibn Yasir sur la nature humaine saine. Abu al-Yaqdhan sur la nature humaine saine. Il ne la délaissera pas jusqu'à mourir. Sauf s'il lui fait oublier, yani, la vieillesse, si la vieillesse lui fait oublier. Et il est rapporté aussi que celui qui prend Ammar comme ennemi, alors il prend Allah subhanahu wa ta'ala comme ennemi. Et celui qui insulte Ammar, il insulte Allah subhanahu wa ta'ala. Ça a été rapporté par l'imam al-Nasa'i dans ses sunan, il-Hakim. Il-Hakim également. Et aussi il est rapporté du prophète alayhi salatu wa salam, qu'il a dit, selon notre mère Aïcha, ils lui ont dit de dire quelque chose au sujet de Ali et au sujet de Ammar, car ils étaient dans le même camp. Le camp opposé à Aïcha radiallahu anha. Elle leur a dit, je ne vais rien dire au sujet de Ali. Mais au sujet de Ammar, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, si on lui donne le choix entre deux choses, il choisira forcément la meilleure. Ammar, si on lui donne le choix entre deux choses, il choisira toujours la meilleure des choses. Il choisira toujours la meilleure des choses. Et ça, c'est un argument que la vérité aussi était avec le camp de Ali radiallahu anhu. Lakin, l'autre camp, ils étaient dans un shihad. Et il n'y avait pas parmi les compagnons qui suivaient la passion ou qui voulaient autre que la vérité, mais Allah subhanahu wa ta'ala a décrété ainsi pour une sagesse de sa part subhanahu wa ta'ala. En tout cas, ne pensons que du bien de tous les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, sans exception. Et celui qui veut plus de détails concernant ce point, il peut revenir à ce qu'on a vu dans l'Aqid al-Wasitiyya, dans la fin de ce livre, Cheikh l'Islam a cité quelques règles qui sont très très bénéfiques dans ce domaine qui concerne les compagnons, radiyallahu anhum. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, également a dit, Ammar sera tué par le groupe transgresseur. Ammar sera tué par le groupe transgresseur. Il les appelle à Allah et eux, ils l'appellent au feu de l'enfer. Et eux, ils l'appellent au feu de l'enfer. Ça, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari dans le chapitre de l'Jihad. Mais les savants, ils précisent que le fi' al-Bariya, le groupe transgresseur, c'est pas le groupe de Muawiyah radiallahu anhum. C'est une petite partie de ce qu'on appelle Saba'iyya, parmi le Khawarij et autres, qui ont déclenché cette fitna. Mais comme je vous ai dit, les deux clans, ils sont pas venus pour combattre. Ils sont venus pour négocier. C'est pour ça qu'ils ne sortaient pas toute l'armée. Ils sortaient un petit groupe, à chaque fois, pendant 8 jours à peu près, ou 9 jours, ça a duré. Donc ça c'est par rapport à Ammar radiallahu anhu. On va voir quelques compagnons, mais rapidement, avec lesquels on va terminer. Un mérite par compagnon. Le premier c'est Amr ibn al-Jamuh. Amr ibn al-Jamuh al-Ansari radiallahu anhu. Jabir radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour leur a dit, qui est votre maître, ô vous, les Bani Salima? Bani Salima, c'est la tribu autour de la mosquée de Quba. Ils ont dit, notre maître, c'est Al-Judd ibn Qais. Mais, il a un seul défaut. Yani notre maître, c'est le meilleur d'entre nous. Sauf qu'il a un seul défaut. Et ce défaut, c'est quoi? Ils ont dit, il est avare. Il est avare. Le prophète, alayhi salam, leur a dit, et quel défaut et quelle maladie est plus grave que l'avarice? Et quel défaut est plus grave que l'avarice? Votre maître, c'est Amr ibn al-Jamouh, notre compagnon, radiallahu anhu. Et Amr ibn al-Jamouh, dans la période anti-islamique, c'est lui qui veillait sur les statues, les idoles de l'Kuffar. Et dans l'islam, à chaque fois quand le prophète alayhi salam se mariait, c'est lui qui s'occupait de préparer le repas du mariage. C'est un homme très généreux. Amr ibn al-Jamouh, radiallahu anhu. Le compagnon suivant, c'est Ma'iz al-Aslami, radiallahu anhu, ardah. Ma'iz, vous avez certainement entendu parler de ce compagnon, il s'appelle Ma'iz ibn Malik al-Aslami. Selon Bourayd ibn al-Husayb, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir lapidé Ma'iz ibn Malik, radiallahu anhu, ardah, il a dit au compagnon, demandez pardon en faveur de votre de Ma'iz. Demandez à Allah pardon à Ma'iz ibn Malik. Les compagnons ont dit qu'Allah pardonne à Ma'iz ibn Malik. Vous savez qu'il est tombé dans Zina et il est venu lui-même dire ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a insisté afin qu'il soit purifié avec la sentence religieuse. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ce qu'on le lapide. Et ensuite, il a demandé aux compagnons de demander à Allah de lui pardonner. Et quand ils l'ont fait, le prophète alayhi salam leur a dit, il s'est repenti à repentir. Si on le répartit à toute une communauté, il leur suffira. Rapporté par l'imam muslim dans son authentique. Il s'est repenti à repentir. Si on le répartit, si on le divise sur une communauté tout entière, il leur suffira se repentir. Tellement son repentir était sincère et était fort, radiallahu anhu. Un autre compagnon, qui est Muhammad ibn Maslama al-Ansari. Muhammad ibn Maslama, un très grand compagnon parmi l'Ansar, c'est un Aoussi de la tribu de l'Aous. À Médine, il y avait deux tribus, l'Aous et le Khazraj. Lui, c'est un Aoussi. Il a participé dans toutes les batailles du prophète, à l'exception de Tabouk, dans laquelle il n'y a pas eu de combat. Et Muhammad ibn Maslama, il fait partie des compagnons qui n'ont pas participé dans le fitna qui a eu lieu entre les compagnons, à savoir les deux batailles, Al-Jamal et Siffin. Et ceux qui n'ont pas participé, ils sont connus. Quatre, Sa'd ibn Abi Waqqas, et Abdullah ibn Umar, et Muhammad ibn Maslama, et Usama ibn Zayd. Usama ibn Zayd lui a été très très bénéfique et très profitable, la leçon qu'il a tirée, quand, vous savez, quand il a tué dans une bataille contre le kuffar, un kafir, un mushrik, qui avait fait énormément de dégâts dans les rangs des muslimines, qui était très fort. Et quand Usama a vu ça, il s'est décidé à l'arrêter, à le tuer. Effectivement. Et quand il a fait tomber de son cheval, au moment où il allait le tuer, il a dit « La ilaha illallah ». Et il l'a tué. Ensuite, il est venu, Nabi Al-Sallam a entendu ça. Il a convoqué Usama. Il lui a dit, tu l'as tué après avoir dit la ilaha illallah. Il a dit au messager d'Allah. Il l'a dit pour se protéger de mon épée. Pour que je ne le tue pas seulement. Yani, imaginez maintenant, faisons travailler un peu notre raison avant de l'annuler. Là, si on réfléchit d'une manière rationnelle, on se dit, quelqu'un, il tue. Et quand tu l'attrapes au moment où tu veux le tuer, il te dit la ilaha illallah. C'est quasiment impossible que ce soit sincère et que ce soit pour Allah. Lakin, c'est pas... Revenons au texte maintenant. Ça, c'est ce que la raison nous dit. Lakin, ce que les textes et la révélation nous disent, ce sont pas tes affaires. Il a dit là, il a Allah, tu dois juger selon son apparence. Et qui te dit, il y a 1% ou la 1 sur 1000 ou la 1 sur 1 milliard qu'il soit sincère et qu'il l'ait dit vraiment pour Allah. Qu'est-ce que tu vas faire si jamais il l'a dit pour Allah? C'est pour ça que le Nabi sallam, il n'a cessé de lui répéter, tu l'as tué après avoir dit la ilaha illallah. Et regardez ces khawarij, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Et si ils connaissent pas ce hadith de Usama radiallahu anhu. C'est pour ça, Usama il a dit, j'aurais souhaité ne pas avoir été un musulman qu'après ce jour-là. Tellement c'était grave pour lui ce qui s'est passé. Radiallahu anhu arda. Et c'était une leçon pour nous tous. C'est une leçon pour toute la Ummah. Et ça a servi énormément à Usama radiallahu anhu en premier. C'est pour ça qu'il n'a jamais participé dans une fitna. Muhammad ibn Maslama également, comme a dit Hudhayfa radiallahu anhu, Hudhayfa radiallahu anhu, vous savez qui est Hudhayfa, il a dit, je connais un homme qui ne sera jamais touché par le fitan. Et il leur indiquait Muhammad ibn Maslama. Et à ce sujet, ont été rapportés des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Muhammad ibn Maslama, c'est lui qui a tué Ka'b ibn al-Ashraf, ce grand juif, grand ennemi du prophète, alayhi salatu wassalam, qui faisait des poèmes dans lesquels il dénigrait le prophète, alayhi salatu wassalam. Nabi alayhi salam a ordonné à ce qu'on le tue. Et parmi ceux qui ont participé dans cela, dans cette mission, il y avait Muhammad ibn Maslama radiallahu anhu. Il est décédé en l'an 46 de l'Hégire à l'âge de 77 ans. Et il n'a pas participé dans ses fines ni dans le Jamal comme on a vu. Hudhayfa radiallahu anhu disait, il n'y a personne qui vit jusqu'à ce qui est une fitna sans que je crains pour lui qu'il soit touché par cette fitna, à l'exception de Muhammad ibn Maslama. Car j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, la tadurruka al-fitna. Al-fitna ne pourra jamais te nuire. Et Muhammad ibn Maslama, physiquement, il était très mat de peau, grand de taille, il était chauve, il était un homme costaud, il est très balèze physiquement. Radiallahu anhu wa arda. Et Muhammad ibn Maslama, il y a beaucoup de hadith. Ça mérite de s'arrêter sur sa biographie longuement, car il y a beaucoup de hadith qui sont rapportés de lui qui concernent le fitan. Parmi eux, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit, voilà, il lui a donné une épée, il lui a dit, combat les ennemis d'Allah avec cette épée. Combat les associateurs, combat les mécréants. Mais si jamais il y a un combat contre le musulmin, casse ton épée et reste chez toi. Et c'est ce qu'il a fait. Il a cassé son épée, il est resté chez lui. Il a été tué finalement. Il a été tué, radiallahu anhu. Wa arda. Et Sa'd ibn Abi Waqqas, lui aussi, c'est lui qui rapporte beaucoup de hadiths qui concernent le fitan. Comme le hadith où le Nabi lui a dit, s'il y a un combat entre le musulmin, demande à ce qu'on te donne une épée avec une langue et deux yeux qui voit les gens et qui te dit, ça c'est un mushrik, tue-le. Et ça c'est un muslim, ne le tue pas. Si vous ne me ramenez pas une épée comme ça, je ne pourrai pas participer avec vous. Et il n'a pas participé. On va terminer avec le Miqdad. On ne pouvait pas passer ce sahabi, le Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi, radiallahu anhu arda. Al-Miqdad, qui est décédé en l'an 87 de l'Hégire, à l'âge de 91 ans. Il avait 91 ans, radiallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud nous dit, j'ai été avec le Miqdad ibn al-Aswad. Le Miqdad ibn al-Aswad, aussi il fait partie des premiers dans l'islam. Des premiers dans l'islam qui ont fait preuve de grande bravoure et de grand courage parmi les compagnons radiallahu anhu. Sa kunya c'est Abu Karima. Donc le Miqdad radiallahu Abdullah ibn Mas'ud dit que j'ai assisté avec le Miqdad à un événement qui est meilleur pour moi que beaucoup d'autres choses. On est venu pendant que le Nabi alayhi salam il faisait des invocations contre les associateurs, contre les ennemis d'Allah. Et le Miqdad lui a dit, ô messager d'Allah, sors pour les combattre. Et on combattra avec toi, ainsi qu'avec ton Seigneur. Il lui a dit, on va pas te dire comme on dit le peuple de Moussa à Moussa alayhi salam. Ils lui ont dit, vas-y, combat toi et ton Seigneur, nous, on va rester ici. Il lui a dit, sors les combattre. On sortira les combattre avec toi. Et on sera à ta droite et à ta gauche, et devant toi et derrière toi. Et le Nabi alayhi salam, quand il a entendu cela, son visage s'est réjoui. Il s'est réjoui, alayhi salatu wassalam, de cela. Et son visage s'est illuminé, sallallahu alayhi wa sallam. Il a aimé la parole de l'Miqdad, radiyallahu anhu. Une petite histoire que l'Miqdad nous rapporte. L'Miqdad, bien évidemment, il faisait partie des très très pauvres parmi les compagnons. Et il dit un jour, j'étais avec deux autres compagnons, et on est parti voir plusieurs compagnons. On leur a demandé de nous aider, de nous donner à manger, et on n'a rien eu. Au point, on n'entendait plus rien, on voyait plus rien, à cause de la faim et la soif. Et ensuite, on a rencontré le prophète, alayhi salatu wassalam. Il nous a accompagnés chez lui, il nous a sorti, on a trouvé chez lui trois biques. Nabi alayhi salam, il avait trois chèvres. Et il leur a dit de les traire, de traire ces chèvres-là, et de partager le lait entre les quatre, les trois, et le prophète alayhi salam, le quatrième. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le Miqdad, radiallahu anhu, il récupérait le lait, il le partageait, il gardait pour le prophète alayhi salam, sa part. Et quand il faisait nuit, le Nabi alayhi salam, il rentrait chez lui, et il leur passait salam, il disait, il nous passait salam d'une manière à ne pas réveiller celui qui dort et à faire entendre son salam à celui qui est éveillé seulement. Et ensuite, il entrait dans la mosquée, il faisait salat. Et quand il terminait sa salat, alayhi salatu wassalam, il venait et il prenait sa part du lait, il la buvait. Il dormait. Le Miqdad radiallahu anhu dit, une nuit, Shaitan est venu, il m'a insufflé, comme quoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va chez l'Ansar. Et l'Ansar sont généreux. Ils donnent à manger au prophète, alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça va lui faire, cette gorgée de lait qu'on lui laisse? Alors que le Miqdad, il avait très faim. Et Shaitan lui a insufflé de la boire, cette nuit-là. Et c'est ce qu'il a fait. Il a bu, et ensuite, il s'est endormi. Il a bu la part du prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand il a bu la part du prophète, alayhi salatu wassalam, et que c'est bien arrivé dans son ventre, et qu'il n'y avait plus moyen de revenir en arrière, Shaitan l'a fait regretter. Il lui a dit, malheur à toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as bu la part de Muhammad, sallallahu alayhi wassalam. Il viendra, il ne la trouvera pas. Il invoquera Allah contre celui qui l'a bu. Et ainsi tu perdras ce bas monde et l'au-delà. Et il disait le Miqdad, il avait un morceau de tissu sur le corps. Quand il le mettait sur sa tête, ses pieds se découvraient. Et quand il le mettait sur les pieds, la tête se découvre. Yani, il n'avait même pas de quoi se couvrir entièrement. Radiallahu anhu arda. Et il n'arrivait plus à dormir. Après ses regrets et ses remords, il n'arrivait plus à dormir. Et quand le Nabi alayhi salam est venu comme d'habitude, il est rentré chez lui. Il y en a eu, ils étaient dans la mosquée. Et la maison du prophète alayhi salam, elle est collée à la mosquée. Quand le Nabi alayhi salam est rentré, il a fait comme d'habitude, il est parti, il a fait la salade, et ensuite il est venu pour prendre ce qu'ils lui ont laissé comme lait, il n'a rien trouvé. Il a dit, Allahumma at'im man at'amani, wasqi man saqani. Ou Allah, nourris celui qui m'a nourri, et abreuve celui qui m'a abreuvé. C'est pour ça cette invocation, tu la dis pas quand quelqu'un te nourrit et t'accueille chez lui. Tu la dis pour lui dire de te ramener à manger, pas après avoir mangé. Mais après avoir mangé, tu dis Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fi ma razaqtahum. Mathalan, tu dis par exemple ça. Amma cette dua, ça se dit avant. S'il a tardé à te ramener à manger, tu dis Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Et quand le Miqdad il a entendu cela, il est parti, il a pris, il s'est couvert, il s'est habillé et il est parti, il a pris une lame. Il est parti pour tuer une de ses biques et la préparer pour le prophète alayhi salatu wasalam. Et quand il l'est touché pour voir laquelle elle était la plus engraissée, il a constaté qu'il y avait du lait en elle, alors qu'il les avait, il vient de prendre tout le lait qu'il y avait en elle. Il a trouvé qu'elle s'est remplie. Il a regardé les autres, il a trouvé que les trois étaient remplis de lait. Et il les a traits et ensuite il a emmené ce grand récipient de lait au prophète alayhi salatu wasalam chez lui. Le Nabi alayhi salatu wasalam leur a dit, est-ce que vous avez bu déjà vous, il y en a les trois? Il ne lui a pas répondu. Il lui a dit, bois toi au messager d'Allah. Le Nabi alayhi salatu wasalam a bu. Il lui a dit, bois. Il a bu. Il a dit, bois. Trois fois. Et quand il a vu que le prophète alayhi salam s'est rassasié et qu'il a invoqué Allah en sa faveur, là, il est tombé de rire par terre. Le Nabi alayhi salam lui a dit, c'est un mal que tu as fait. Yani, tu me caches quelque chose. Le prophète alayhi salam, al-Miqdad radiallahu anhu, il a dit au prophète alayhi salam, voilà ce qui s'est passé. Et il lui a raconté l'histoire. Le Nabi alayhi salam lui a dit, ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah. Pourquoi tu m'as pas dit pour que j'appelle tes deux amis afin qu'ils boivent avec nous de cette rahma qu'Allah nous a envoyée? Il lui a dit, au messager d'Allah, tant que je l'ai bu, moi et toi, alhamdulillah. C'est ça qui compte. Ça, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Et avec ça, nous terminons pour aujourd'hui. Et on va continuer, inshallah, avec les mérites des sahabiyat dans le cours prochain. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.